ou di ko d'accord pour même ça qui critique yo ta capable recommencer chita pour nous rebâtir un programme d'action en direction du 26 avril Ralph. Mais à qui ça ça t'a servi que nous râler grâce nous pour nous gain mot pas nous seulement. Ben nous c'est une question de mot pas l'autre. Non mais si gain des tendances et de groupes. Chaque monde gain mot pas yo. Mais but ba nous c'est combien monde régime Duvalier a touyé. Donc c'est à présent pour nous beaucoup établi. Mais plus nous ouvert c'est plus nous bon. Donc on pas essayer la cause diviser petit groupe que nous gain déjà. Nous gain à peu près 300 photos. Est-ce qu'on croit que nous allons séparer, nous allons prendre 150 mois par, moi prendre 150 mois par, chaque monde va faire une exposition. On va réduire l'impact qu'on a besoin de créer. Au contraire, il faut que nous ouvrions non seulement à l'autre tendance, mais à toute tendance, ni à tendance monde qui peut tout. Il faut que nous ouvrions à toute victime du Valdivis. Et ça a posé problème. Moi-même, ça a posé un problème. Et ou dit il faut que nous ouvert à toute victime du Valéris. Est-ce que ça pas pral reposer question qui en 87 t'est fait comité pablié fan pas campac concours avocat. Bon, au contraire, ce qui arrive c'est que Kounia nous gain un gouvernement qui est censé établi, qui est élu, qui l'a pour 5 ans, qui représentait une rupture avec le passé. Il est vrai que Kounia nous caboué que gon pile victime qui tombait après. Et y compris un bon monde qui boule dans le caoutchouc sous prétexte que c'est Makoutioye, alors que peut-être que son monde qui t'a pris une cause avait dit, tout le monde sait aussi des victimes de la répression. Nous pensons que nous avons ouvert à tout le monde. Sa yo. Et exposition permanente que nous avons parlé, ce n'est pas comme si exposition 300 photos sa yo seulement que nous avons. Nous avons plusieurs expositions pour faire. Ça veut dire que si comité, parce que le comité fait dimanche qu'on y a, si comité fait dimanche l'anglais de nous travailler avec lui, nous pensons que parallèlement à ça et à l'autre groupement de mouvement de droits humains etc qui gagne dossier là mais yo gagne toute exposition ça yo qu'a fait à tout au cours de l'année à fort dimanche. Nous pensons que ce serait le meilleur usage que nous avons fait de fort dimanche, c'est que comité fort dimanche là invite tout comité qui penchait sous question moun sa yo de victimes du Valérisio et que en accord tout moun sa yo qu'a gagne un paquet d'exposition qui fait que yo remettez mémoire peuple haïtien ça que bon bonne monde qui pas connaît toute histoire ça yo ta gen droit recréer histoire ça yo et que tout monde connaît vraiment qui ça t'est passé combien monde que répression a été tué et bah ça yo moi la servi pour et c'est ça but pas oublier que bagaille ça yo pas refait encore. Ce qui veut dire que dans perspective nous tandis que en 87 nous t'ai pensé pour des raisons stratégiques ou pour des raisons pratiques que nous-mêmes dans majorité moun ki té signé premier appel la première pétition premier déclaration dans hein, majorité moun sa yo nous té dit y a prêté 7 février 86 mais kou elle est avec évolution bagayou avec élection 16 décembre avec installation président Aristide 7 février 91 existence d'un gouvernement stable, nous croyons que nous sommes capables d'englober, par exemple, victimes Jean Rabelio, victimes Labadie, habitants que régime Krasézoa, Maspiné dans la Tibonite et la Trier. Nous avons pensé depuis l'époque, ça, en 87, qu'il y a une ouverture dans le statut que nous avons proposé, qu'il y a une ouverture sur et avant et après. Parce que tu as dit que les gens qui mourent avant du Valier Montéo. Mais c'est du Valier Tuyo. Voilà, donc nous te gain ouverture pour et avant et après. Et on dirait m'pas senti que mop voulait réveiller ça ou bien peut-être t'a voulait servir ça tant aux autres observer avec Mopayo. Mais c'est ça, c'est gain tout moi ça yo, c'est des ouvertures que depuis l'époque ça que nous te gain ouverture sur yo et nous pensons que conjoncture actuelle là permet que nous élargir vraiment vers bagay ça yo. Bon. Bébé, ah bébé, petit bébé, non, il va voir l'arrivée. Mais auparavant, on va que nous préciser plan de travail que bébé connaît gagner là. Parce que, en résumé, nous, 26 avril, c'est objectif là, 26 avril 91, pour atteindre l'objectif ça, comité pas oublié, a essayé de préparer une série de collectes de documents pour venir courir ça nous vient déjà yo. En même temps, pour nous lançons appel pour l'autre yo, ça qui pas d'accord yo cap vinchita pour comité 8 février, comité fort dimanche là, capable vini tout, association droits humains pour nous capable font bagaille plus large et plus complet bébé, c'est ça. Oui. En réalité, depuis hier, dans fort la même, moi j'ai commencé à prendre liste de moun que nous pas connaît qui était gain victime et m'a regardé liste là là. Fait un petit bruit dans le micro. Gain à peu près 100 noms déjà. Nouveau. Alors moun que m'était ouais moi même là yo, moi ba yo numéro téléphone moi et m'a répété l'icite pour tout le monde 57 51 90 avant 9h le matin, après 6h le soir, pour yo capable relé moi pour yo bon détail et pour me dire qui côté pour yo porter photo yo parce que faut que nous organiser nous pas capable gon seul point de récolte pour des monde trop loin pour yo faut que nous gain plusieurs points de chute côté yo capable porter bah là pour nous et nous pral organiser cela kounia. Donc c'est ça n'a travail kounia pour nous augmenter le plus possible et puis après ça n'a bien comité pour organisation collecte de fonds parce que n'a besoin fonds pour nous couvrir frère yo et n'a rien tout une organisation pour exposition proprement dite, des articles, enfin, pour que nous essayions de voir tous les aspects, planifier clairement et surtout planifier les heures de visite pour que ce n'est pas foule qui te gagne hier. Parce que ça me décrène, c'est ça qui passe hier. Te gagne tellement de monde dans la salle là que personne n'est pas capable de briver. Moi-même, je vais briver photo. Vous comprenez? Donc, il faut que nous fassions avec discipline, nous cordons comme nous faisons dans le musée, côté monde passé, yon à yon, nous avons temps pour garder, pour aller. Puisque la permanente. Donc, pour que bébé l'exposition remplisse son rôle pédagogique, absolument, de formation. Absolument. Mais auparavant, n'a tourné sous programme ça, mais auparavant, il y a deux, trois petits bagages que je me éclairci. Tout à l'heure, Ralph t'a dit mon yo, et que vous tapez élevé au contre-conception ça, ou dit que c'est pas ça, question. Hein? Est-ce que tendance là, Guylaine, ou même qui te gen papa ou qui mouri, et qui rassemble en pile parce que en pile moun qui connaît ou, qui connaît ça qui te rive papa ou, donc qui te gon espèce de sentiment de sympathie, qui vient confier ou des documents de famille, bon problème qui pose, Guylaine. Et le problème ça, il faut que nous t'acab essayer aborder sans pas résoudre lui peut-être. Papa qui mourit à Guylaine. Est-ce qu'on pas considéré à un certain point de vue c'est affaire pas son bagage d'intimité, son bagage de relation de sang, de amour. Bagay avec frère ou sœur, avec maman ou avec frère papa ou avec famille papa. Est-ce que pas bon aspect pour ça? En même temps que bon deuxième aspect, que li mouri, tant qu'ou 50, 60 000 l'autre mouri, et li gon l'autre aspect que li appartenu tout à communauté. Parce que il faudrait pas que nous t'a tranché vite pour ne pas faire qu'un bouillie vidé dans la question ça, yo, Guylaine. Vous mettez doué tout exactement sous cause. C'est en effet papa me lié, papa m'a quitté 11 timoun derrière que maman m'a obligé élever pour compte lui. Donc c'est affaire pam. Mais d'un autre côté, li mouri parmi tout l'autre yo et me considérer que li sont affaire pays. C'est pas mom lié, c'est ça li représenter pour sa dictature affaire sous tout le monde en Haïti. Donc, je n'ai pas un sentiment mitigé. Je n'ai pas fait ces mots liés. Que certains gens, cependant, qui confirment des documents, ils ont demandé que les choses ne soient pas utilisées à des fins politiques. Et c'est là que je suis très strict sur méthode de travail et procédé que nous utilisons. Parce que les gens qui ont fait nous confiance, qui ont fait nos photos, ils n'ont pas aimé l'idée qu'un pilote a pris un libre sous dos. Et c'est bagaille ça que n'a veillé dans le comité pas oublié et c'est pour ça que nous d'après éviter en pile dérapage en pile accident jusqu'à nouvel ordre. Ou dit affaire de prendre roue libre sous dos, ou pas ta capable plus clair sans pas longer doit sous personne. Nous pas voulez faire polémique, mais nous croyons que gain des attitudes pratiques qui capable peut-être venir d'un bon naturel, d'un bagage généreux, mais qui mettait problème dans des assemblées, qui mettait yin-yang dans des assemblées, quoi il y a, nous pas d'intérêt pour nous gagner yin-yang. Donc, on nous longe d'être sous problème, Fonal Natal là, même si nous pas longe d'être sous monde, pour essayer de brasser problème. Par exemple, concours bagay, appartenance des morts, ou même on dit ou pas senti papa ou son propriété exclusive ou senti que papa ou appartenu à collectivité, mais on connaît tout gain des parents victimes qui pataient mais que yo utilisé non victime qui parent yo à des fins politiciennes. Donc une espèce de contradiction là, de double entendre qui est important pour nous aller plus devant sous lit. Je ne fais procès d'intention non plus. Comme je parle pour affaires personnelles, ouais, je parle de papa, c'est la position que je prends vis-à-vis de mon pam. Mais je connais certaines familles qui, leur bon document, je dis que je ne peux pas remettre le tomber dans les mains n'importe qui. Monde. Parce que justement, je ne peux pas remettre que Petitio ou Mario t'aval représenter un parti politique quelconque. Kounia ne l'a pas posé encore. Kounia problème éliminé. Kounia n'a pas fait exposition de photos de parents de victimes. De victimes, je veux dire. Problème éliminé ou quoi ça? Nous-mêmes, nous le mettre de côté. Nous pourrons essayer de faire comme si. Pas qu'il y a personne qui a pas voulu. Essayer de prendre encore. Bon, alors, nous avons dit bébé, pour question objectif, campagne qu'a préparé, comment vous êtes capable d'expliquer au public le problème qui a posé pour nous arriver à atteindre l'objectif 26 avril, une exposition permanente dans Fort La Vie et une exposition itinérante pour Frère Action dans le 10e département, quitte aux États-Unis, au Canada, en Europe, ou tout partout, il est capable de ouais, tout pour ne pas oublier. Première action, comme on dit, c'est communiquer par toutes les voies avec public là, arriver juste dans le milieu paysan pour nous capables de récolter le plus de noms de victimes possible avec témoignages, avec si possible photographie. Ça c'est premier pareil. Et m'a répété lui, c'est nous toutes qui pouvons faire ensemble. C'est pas une question de coterie, de groupe, même pas de parti politique. C'est Haïti qui peut camper pour dire non et ensemble qui peut faire exposition ça. Comment nous pourrons procéder? Kounia, faut que nous décidions dans qui local nous pourrons recevoir photo ayo, qui monde qui pourrons recevoir pour nous prévenir public là. Deuxième étape, c'est organisation dossier yo, et toujours mettez yo en lieu sûr parce que ou pas jamais connaître ça qui a passé, si du feu boulé, zinglin d'eau, vous comprenez? Nous pas fin à la bac impression que nous à l'abri net de quelque intervention. Donc, c'est ça qui est capital là. Puis, nous avons formé des comités pour couvrir différents aspects organisation hein, que nous avons indiqué public au fur et à mesure, si vous le permettez, à Radio Haïti Inter. Et puis, nous avons fraîchement à reprendre, parce que jamais il n'a été question que nous comptons exposition. Nous voulons exposition. Nous créons pour exposition en premier lieu et la fête. Nous n'avons pas pensé que le 8 était approprié par crainte de la foule. Et quoi, ça a passé hier, ben nous raison, c'était très bien, c'était très spontané, mais du point de vue exposition, c'était pas le moment que nous était capable de profiter le mieux. Mais ça pas fait rien, c'était un baladion dérapage, non. Mais c'est une interprétation le fait hier là, qui pral corrigé par exposition avril. Donc en répétant. Vous pas très d'accord avec l'organisation, ça a passé hier là. Non, nous pas de pas capable d'organiser. Vous comprenez? Dans ces circonstances ça, c'est ça me te dit. Moi dit on va le bâcler li. On bâcler me dit oui, c'est bâcler parce que on pas capable en 15 jours pour mettre tout ça sur pied et puis organisation, sécurité, qui j'en mon rentrer, qui j'en y a sorti, moi manque tout fait dans foule là. Vous comprenez? Et pas de panique. Seulement pour travailler foule là. Donc c'est pas un lieu idéal, mais c'était très touchant de voir la spontanéité, toute dizaine de milliers, comme on dit, de monde qui viennent débarquer dans le Fort Dimanche et on comprend l'enthousiasme. Un enthousiasme comme ça, d'après vous, il faut que capable qu'on planification pour pas gagner dérapage. Absolument. Pas d'improvisation, pas d'amateurisme. Au contraire, dans les mains, si nous avons des suggestions pour nous connaître, si nous avons organisé visite là, après inauguration exposition avril, là, peut-être par quartier, par groupe, pour comprendre, par région, par province, pour pas gagner trop crasé dans l'entrée sortir. Bébé, faut nous mettre nous en confiance tout. Faut nous faire connaître que photo yo pral dans de bonnes mains. Que l'œil de main nous pral prendre toutes précautions possibles et imaginables pour yo pas perdu. Parce que au début là nous t'ai commencé à recevoir photo, il y a pile famille qui pas d'accord pour bayo ou bayo à n'importe qui monde. Mais là nous bayo en pile garantie, yo accepté, fait nous confiance, yo ba nous tout document que nous t'ai voulu, toute photo que nous t'ai voulu. Qui est de grandes familles, de victimes très connues. Nous avons cité les Sansari, par exemple. Ils ont pris une photo personnellement et ils ont dit, à partir du moment où ils ont dans mes mains, ils connaissent que ils n'ont pas servi à eux pour n'importe quoi. Il faut m'ajouter que les Sansari, comme d'autres personnes, étaient venus au début d'un meeting. Ils sont venus pour te faire partie activement du comité Pablier. Mais tout ignorant, tout jouré, tout goumet, tout ceci que vous avez vu, t'es découragé yo et t'es bayo inquiétude que t'as gagné peut-être probabilité que photo yo t'a servi à autre chose que pour exposition permanente Fort Dimanche soir. Alors n'a rassuré moun yo, n'a dit yo que nous là pour faire une exposition de photos, nous là pour faire un bagage sérieux, un bagage permanent qui pourra servir à l'éducation des enfants d'Haïti. Petit monde d'Haïti est capable avec l'école à visiter le ça, il est capable les instruments de torture, il est capable voir côté moun yo te vive qui ça été fait au passé dans Fort Dimanche. Et les gen photo moun ça même si yo pas connaît yo, il a réfléchi le sort là et c'est ça nos besoins. Ça que t'es perdu famille yo va la prier, yo va le crier. Mais l'autre yo qui pas perdu famille yo va réfléchir et moi ça va aider yo en pile. Les a aider construire Haïti pour ba ça yo pas recommencer. Qui donc Guylaine Bouchereau évoquait là en bas qui est important, c'est responsabilité que ou même ou t'es gagné en 87 lors des familles concours famille Sansarik. On nous rappelait que famille Sansarik c'est une famille que François Duvalier était fait exterminer dans Jérémy après affaire groupe des 13 là, Ralph. C'est bien ça et il faut noter que monsieur Sansarik n'a pas de groupe des 13 là, il a milité autre part, mais il a dit, ah, si mon mari a fait avec Jérémy, il faut monsieur Sayo là. Et la famille Sansari a été une victime pratiquement innocente. Sans qu'on ait. Sans qu'on ait. Sans qu'on ait. Ça mettait douette sous pratique répression, hein, qui lui-même était boulé sous zin. Il a dit, si mon mari a été fait, monsieur Sansari est là. Si il est là, c'est que là. Si il est là, n'a pas casé famille. Il faut nous longer doit sous deuxième problème ça sous pratique répression hein, qui était institué tant qu'on y a une règle et nous vinn ouais ça avec la famille Bajé c'est que un homme prend responsabilité au entrer dans bataille contre Duvalier. Duvalier dit ou si on entre dans bataille contre moi c'est toute race ou qui va disparaître. Donc en plus de craser briser dictature établie il vinn établi une règle de terrorisme en cascade qui yon deye l'autre capable exterminer toute ton famille et même toute ton race. C'est bien ça, Ralph. Pour ta cité, la famille Edline, qui disparaît dans les mêmes conditions, te gen 11 moun là-dedans qui ont été tués parce que yon te pensé que yon frère te peut-être te don bagay qui t'a organisé depuis les États-Unis. Yon pas de gens. Yon pas de preuves. Edline te bien là, New York. Il était New York, là, présente tête dans le consulat d'Haïti pour montrer que le pat là-dedans. Mais toute famille périt. T'es gâteau mouri. Et moi, je dois multiplier exemple ça yo par en pile. Oui. Ça, c'est des familles très que vrai. Nous connaissons. Mais combien de monde qui est anonyme, combien de paysans, combien n'importe qui ça, étudiants qui disparaissent dans les mêmes conditions sous simple dénonciation. Bon, je dois accuser là que nous avons fait des cités non de bonnes familles qui sont dans la même couche sociale. Mais si nous avons toute information sur l'autre monde ça yo tout, nous avons nommé yo là tout. Hier, il y a un témoignage que je recevais, il y a un cas pareil. Il y a un monde qui était un militant, non pas contre qui parti communiste ou quelque chose de ce genre. Il y a vingt chercheurs, il y a pas joint lui. Il y a prend frère, il y a prend seul, il y a prend belle seule. Il y a cinq membres familiaux qui disparaissent. Dame qui relève là, lui dit, il y a quatre frères yo tout disparaît plus une dame dans la famille nan, tout ça va apparaître dans dossier que nous gagnons yo c'est dire c'était des gens de situation modeste qui pas connu pour y parler de yo vous comprendre mais toute bagaille ça yo pral ressorti avec enquête n'a faire pour pas gagner une partie qui mieux couverte que l'autre mais pour fortifier ça Guylaine dit hein, moi même en tant que maman petite zantraï me fait mal pour moi moi et mes petits moun moyo était fini on connaît à ma connaissance c'est pas ni pour partir ça ni pour partir ça c'est pour payer à yo était fini et me pas voulait que yo récupérer yo ni sur la droite ni sur la gauche ni sur le centre c'est Haïti yo était venu défendre donc moi comprendre yo pas voulait que photo yo utiliser à n'importe quelle fin à des fins de roulib sous mouvement pablier bon et bien quoi que nous font belle tirale pour auditeur capable comprendre ou est plus clair non question fort dimanche là fort en moi que comité pablier voulait changer non fort la vie non fort l'espoir non fort la foi non qui ça la foi dans pays d'Haïti et la foi dans l'avenir c'est bien ça bébé exactement c'est pour ça n'a travail c'est pour ça n'a battre moi même déjà sous pente descendante là même content pour moi ça cap monter tout jeune là il va le fond Haïti fantastique parce qu'on y a nous senti n'a libéré et la belle mais faut me dire un petit mot pour écologie hein. Oui me dire mais profiter pour me dire pour le belle ça... vraiment pour nous faire quelque chose tout mon pas ouais président hier son pied palmiste qui planté ça a commencé c'est sûr et nous même nous t'ai gain comme l'idée moi crois que l'idée a belle tout c'est pour nous ta poursuivre pour nous ta fouiller li pour nous ta faire une forêt côté chaque pied bois gain nom une victime dictature parce que pas oublier tout pied bois yo c'est dictature qui fait racher. Absolument. Égal, si nous replantons les bois avec non victimes dictature, son double hommage n'a pas à pays d'Haïti belle qui se qu'il y a que t'es pied bois avec garçon et femme vaillant qui t'es fait beauté pays d'Haïti. Surtout que nous connaît que Charnier et Fort Dimanche là que mon nous c'est en bas ça allié. Donc nous croyons que son bel hommage pour eux, leur grand pied bois qui pourra le citer non yo. Merci Guylaine, merci Ralph, merci bébé. Comité Pablier, tout à l'heure, ou bon mon petit clin d'œil, est-ce que Radio Haïti t'a accepté Sizoka? Sizoka, c'est toujours cas, Radio Haïti l'ouvre pour aider un cas comme ça. Merci encore. Merci beaucoup. Merci Radio Haïti.